بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال vocabulaire. ما معنى هاون؟ يمشون على الأرض هاونا. بهدوء. ما معنى قيام هنا في الآية؟ ليس قيام معنى القيام المصدر. لا سي ان جم دو قائمين. ما معنى قطر يكتر؟ العكس من أسرف يسرف. لا أسرف سي غاسبيي. ما معنى قوام هنا في الآية؟ ولكن كاين وكان بين ذلك قوام. آثم ضاعف يضاعف. الزور عميان. لزام. نعم. طيب انا بدي التدريب الثاني دو الاسئله. هل عباد الرحمن يشهدون بالحق؟ نعم لا يشهدون بالزور. اين انت؟ هذا. طيب هل يشهدون بالحق؟ هل عباد الرحمن يشهدون بالحق؟ نعم لا يشهدون. لا يشهدون بال يشهدون الزور. لحظة attends, il est où le verset? والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالسيئات. طيب نعم تمام مقبول. ثانيا إذا ذكروا بآية ربهم خروا سجدا. متى خروا سجدا؟ نعم أحسنت. يضاعف الله لهم العذاب يوم القيامة. كيف يجزه؟ نعم يجزه لهم يوم القيامة. عباد الرحمن كيف يجزى؟ يجزيهم. كيف يجزي عباد الرحمن يوم القيامة؟ الذي يزن لا يزنون. لا كيف يجزي الله مثلا الذين يدعون مع الله إلى أن آخر ويزنون ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أو بغير حق مثلا؟ هذا أقرب. رابعا يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ماذا يقولون الذين ماذا يقول الذين يَبْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. أحسنت. C'est quoi les ilatins dans Jahannam? C'est que déjà c'est le premier, c'est que c'est Non, c'est un Alam. Alam. C'est un Alam et en plus c'est un Mouhamed. Non, c'est pas ça. Là. C'est un Mouhamed. Alam. Al-Alamiya ou Ta'nif. Taïb. On trouve dans le cours de Jadid. Yonouan Al-Ilm ou Al-Jahl. Al-Ilm ou Al-Jahl. La science et l'ignorance. والدرس الرابع عشر كلمات جديدة أفقه أفقه هذا اسم تفضيل فقيه والفقه لغتين والفهم مع الانتفاع on appelle le fiqh c'est la compréhension et tu tires profit de cette compréhension. الجهلاء جم جاهل سلو جم لبريل جاهل وعليكم السلام أكيد une chose qui est sûre la chose أكيد فقه يفقه c'est le fait d'enseigner de faire comprendre تبديد يعني Ça, c'est d'ailleurs le waqt ou le mal bila fa'ida. Perte de temps et d'argent sans profit. Aqqa yi'uqqu. Ça, c'est être, faire preuve de gratitude. Unasun jam nas. Des gens. Akfan jam kafan. Mawal kafan. Alif al-Kafan c'est le linceul funèbre selon quoi on selon quoi on met le mort yes c'est j'aime ça j'aime ça non Bakhtatan ça c'est par envie Laftatun, Ava, Yani, j'ai trouvé un regard furtif. Banna'atun, c'est une chose qui est très utile. Jadira, ay mustahak, chose qui mérite. Méritant. Lamam, c'est Zunoub al-Saghira, petit péché. Hasha'ish, jam hashish, qui veut dire herbe. De l'herbe. Warafatun, jam waris, l'héritier. Al-Khawiyah, معنى Al-Khalin. Al-Khali, il y a une chose qui est vide ou libre de quelque chose. T'as une nakra. Yakul Al-Ilmu, Yartabitu bin Nour, Irtibatan, Wasiqa. Que la science est liée à la lumière Et nous, Stibaten ou Athiekan, on dira, on traduira par fortement, tout simplement. Bien que c'est plus large que ça en arabe. Et là, Naktafi bi ma yani nafhamuhu. Waljahlu dhulam wa sawadun wa fashal. L'ignorance, c'est des ténèbres, de la noirceur et de l'échec. يؤكد لنا ذلك قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Il nous a confirmé cela à la parole d'Allah où il dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. إن العالم يتميز كثيرا عن الجاهل فهو خير منه منزلة عند الله وأفضل منه مكانة في الحياة. Donc le alim se distingue beaucoup du jahil, car il est meilleur que lui, il est de meilleur rang et de meilleure place auprès d'Allah Azza wa Jal dans la vie. والعالم أشد خشية لله وأفقه وأعلم. Que le alim a plus de khashiyah, plus de crainte d'Allah, plus de compréhension et plus de science. يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et seuls les savants craignent Allah. Seul craigne Allah les savants. وهناك أمور دينية وأمور دنيوية لا يعقلها الجهلاء. Il y a des choses religieuses et des choses mondaines que ne peuvent comprendre, ne peuvent raisonner les ignorants. بل يدركها العلماء والحكماء والعقلاء. Qui ne sont saisis, cernés que par les savants, les gens sages et les gens sensés. وما يعقلها إلا العالمون. Et personne ne les comprend, ce n'est les ulama, comme il dit dans le verset. وقد حث القرآن الكريم على العمل المبني على العلم. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آية. Allah dans le Coran a incité à baser l'action sur la science, dans le sens où il dit « Dis, œuvrez, car Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager, ainsi que les croyants. » وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُثْبِتُ وَالْعَالِمَ الْعَامِلَ عَلَى مَا قَدَّمَهُ لِيْخْوَانِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ فَضْلٍ وَمَعَرِفَةٍ. Car Allah subhanahu wa ta'ala raffermera le savant qui a appliqué et ce qu'il aura apporté à ses frères parmi les mu'minines comme mérite et comme connaissance. وَقَدْ حَثَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْعِلْمِ وَشَارَ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ تُرُقًا مُتَنَوِّعَةً لِنَيْلِ الْعِلْمِ. Le Nabi صلى الله عليه وسلم a fortement incité à trouver la science et a indiqué qu'il y a beaucoup de voies variées pour obtenir la science. وذكر أن أي طريق يسلكه الإنسان لابد أن يقوده للجنة. Et que chacune de ces voies, c'est-à-dire de la science que l'insan suit, cela l'amènera directement ou inévitablement au Jannah. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا العلماء ورثة الأنبياء. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. هذه هي مكانتهم الأكيدة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا ينطق عن الهوى. Donc ça c'est leur rang affirmé sûr dont nous a informé le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. والعلم لا يأتي بالقعود والكسل بل بالعمل والاجتهاد. Que la science ne vient pas avec le fait de rester assis ou par la paresse, mais elle vient avec les actes et les efforts. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم dit celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Là, je me rappelle ce hadith là. Souvent en France, à l'époque, quand on l'entendait, on le comprenait très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, cette compréhension existe encore chez beaucoup de gens de la salafia. On se disait, comme on est salafi, c'est qu'on a compris la religion. On n'est pas compris, en fait, compris la religion, c'est en fait c'était la science, le fait de l'apprendre, d'accord, le fait de l'apprendre sous ses branches de façon minutieuse, et non pas le simple fait d'avoir compris le ménage salafi. Mais là, je sais que le fait d'avoir compris ce ménage-là, c'est un règle qui a été accordé par rapport aux autres. Mais maintenant, le fait de te dire salafi ne peut dire que tu as du fiqh en religion. Tu as des salafis, il y a des choses qui ne comprennent rien du tout. Demain, si tu leur expliques, ils ne comprennent rien du tout. Ou ils croient qu'il a compris ce qu'il est salafi, mais on dit que ce n'est pas le fait que ce soit salafi, c'est que tu auras la science infuse. Salafi, il a besoin d'apprendre. Toi, tu as compris la voie à suivre. Maintenant, le comment de l'application et tout, tu ne l'as pas acquis. Tu ne l'as pas acquis. Certains pensent que la salafia, c'est une chose, là, c'est acquis maintenant. On dit, khalas, nous, Allah nous a fait comprendre la religion. Non, Allah t'a éclairé sur la voie à suivre. Maintenant, la religion, est-ce que tu l'as comprise? T'appelles salafi, les salafis, ils ne savent pas bien la faire. L'ordre, il y a plein de l'ordre, ils ne savent pas faire. Dans l'arkéda, il y a plein de marseilles, ils connaissent pas. Dans le fiqh kazalik, dans la langue arabe, il y en a combien qui parlent l'arabe? Je parle dans ceux qui sont en France. La quasi-totalité ne parle pas l'arabe. Ça, c'est un tafak confidine, ça? Ah, banane, sûrement pas. Donc, ça, c'est une compréhension erronée qu'on avait auparavant. Et tu la comprends quand? Le jour où tu apprends, justement. Tu te dis, subhanallah, dans quoi j'étais? Dans quoi j'étais? Et tu sais, quand tu dis, ben, quand tu réalises dans quoi tu étais, tu te dis, ben, par rapport au Alib, dans quoi je suis maintenant, alors? Toujours. Il y avait un frère qui avait dit une phrase il y a longtemps, j'étais encore en France, et je ne réalisais pas cette phrase-là jusqu'au jour où Allah m'a permis de pouvoir apprendre la langue arabe. C'est qu'il l'a dit, c'était un frère qui était arabophone, frère salafi. Il disait, si les frères savaient l'importance qu'il y avait à apprendre la langue arabe, ils prendraient juste leurs baluchons, leurs chaussures et partiraient apprendre la langue arabe. Bon, à l'époque, il n'est pas précisé chez les gens aptes, tu vois, chez les salafis. Mais c'était une chose qui était comprise de sa parole. S'ils savaient l'importance d'apprendre cette langue-là, ils prendraient leurs baluchons, leurs chaussures et partiraient directement pour aller apprendre cette langue. Et je trouvais que c'était une belle phrase, tu vois. Mais vraiment, j'ai réalisé ça une fois qu'on a commencé à apprendre la langue arabe et voir la différence qu'il y avait. On a dit, ah, franchement, Adal Akh, ou Fika Fiatel Kalem. Je me rappelle à l'époque, j'avais des audios que j'écoutais en français. Il me dit, écoute le cours de Foulen, tout, il est trop bien. Il me dit, ah oui, c'est en français. Tu veux faire écouter le. C'est pas que je veux dénigrer le frère. Mais bon, tu sais, j'écoute Tir Ben Bez, j'écoute Tir Anfaymin, j'écoute Tir Albani, j'ai pas besoin d'écouter Foulen. Sans vouloir le dénigrer, tu vois. Il va m'apporter quoi de plus que eux? J'ai les ulama directement que je peux entendre, je vais pas, tu vois. À part si c'est un truc spécial, tu vois, qu'il va dire. Mais en apprentissage, il me dit, que. Le temps que tu me vas faire écouter cet homme-là, j'aurais pu écouter combien de choses dans Alim. Donc que les frères fassent des efforts vraiment pour pouvoir apprendre cette langue qui est un moyen indispensable pour le tafaqquuh fi din. Celui qui n'a pas la langue arabe, quand même, qui n'a pas la langue arabe, c'est comme un unijambiste qui veut se lancer dans une course. Tu ne vas pas aller loin. Au milieu, je parle de gens qui ont leurs jambes. Tu ne vas pas aller loin. Vraiment, c'est un grand manque. Et tu comprendras ce que je te dis là. Le jour où Allah, ça yaftah alayk, et que tu comprends la langue arabe, tu comprendras ce qu'on t'a dit là. Ce jour-là, tu diras vraiment, c'est vrai. La langue arabe, c'est vraiment un autre monde. Et on ajoute, tu ne vas pas l'apprendre chez n'importe qui, c'est pas à tout prix non plus. Des gens, ils vont, je sais pas, ils partent en Égypte, ils vont en plein de pays pour prendre la langue arabe, chez n'importe qui. Même chez des Isbondina, c'est pas non plus esprit là. Al jahl ala salama khilunak min al shim nil ilm ma'khouz. Al-Khatar, en te mettant en danger chez les Moutadira. Ce n'est pas à tout prix, ce n'est pas à n'importe quel prix. Tu vas prendre la langue arabe chez des gens aptes de la Sunna et des gens qui, cette langue-là, ils la comprennent bien. Et attention aux profiteurs. Attention aux profiteurs qui, eux, Allah leur a permis d'apprendre cette langue même gratuitement et après ils viennent, ils t'ouvrent. Des instituts te font payer pour apprendre la langue arabe. Bien que les ulama disent que de donner des cours payants pour la langue arabe, c'est permis. Mais ça, c'est pas la tariqa de NBA. Et les gens, Allah t'a accordé de pouvoir apprendre cette langue-là toi-même auprès des ulama, auprès des gens aptes, gratuitement. Comment tu te permets d'aller voir les gens, leur faire payer pour leur apprendre cette langue? Ça, c'est pas du choukr, de ni'ama. Pas du tout. Wallah musta'an. نواصل وإنما العلم بالتعلم كما في قصة نبي الله موسى عليه السلام الذي اتبع الخضر. Donc la science s'acquiert par l'apprentissage, comme dans l'histoire du prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, avec Al-Khidr. Al-Khidr, le sahih, c'est Al-Khadir. Il y a plusieurs lora qui ont été données, et la, celle qui a été la plus, plus authentique, je crois que c'est Al-Khadir, bifath al-Dad. Qala Allahu lahu, kul attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allimta rushda. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Il dit, est-ce que je peux te suivre avant que tu m'enseignes ce qui t'a été enseigné comme droiture? Tu vois, Al-Khadir, est-ce qu'il a dit, d'accord, tu me donnes temps par ce que je t'apprends? Il lui dit quoi? Tu ne passeras pas ce que tu vas voir. Il n'y a qu'un instant Maria Sabara. Et Moussa al-Islam, il a dit quoi? Satajiduni incha'Allah sabira wa la'asilaka amra. Tu me trouveras patient, je ne te désobéirai pas. Parmi les preuves du adab avec le muallim, avec ton enseignant. Est-ce qu'il lui a dit, d'accord, tu me donnes temps partout que je t'apprendre? Il dit, il n'y a pas de différence entre leur époque à eux et la nôtre. On a besoin de manger, on a besoin d'argent, on a besoin de plein de choses. Mais le Khadir, c'était quoi? Al-Sahih, c'était un Nabi. Al-Khadir, c'était un Nabi. Et regarde le travail, le safar que Moussa, il a fait. Un long safar. Pour aller apprendre d'un homme. D'un autre homme. Mais chez qui? Chez un homme fiable. Pas chez n'importe qui. À la base, Moussa, al-Salam, pensait être l'homme le plus savant, Mutlaqan. Et alors, spontanément, il faut comprendre, non, il y a un autre homme qui a une science que tu n'as pas. Mais que Moussa était plus savant que lui. Mais des choses qu'il ne savait pas, que Khadir connaissait, il voulait savoir absolument Moussa. Qu'est-ce qu'il a fait? Rihla. Ça, c'est parmi les fondements qui montrent que Talab al-Ilm, tu voyages pour le faire. Il est parti. Auprès de qui? Des gens qui ont la science. Pas auprès des ignorants, des imposteurs. Et le Khadir, Kazalik, n'a rien demandé en échange à Moussa, si ce n'est de faire preuve de patience. Et de ne pas interroger tant qu'il n'aura pas eu la réponse. Maintenant, ça, on ne va pas faire comme ça maintenant. Ça, c'est une histoire qui était à l'époque. Aujourd'hui, quand le alim parle, tu poses pas de questions, tu dis rien, t'attends. Non, si t'as pas compris, tu demandes. Parce que t'en as, ils se prennent ce genre de verset pour dire si le shir il se trompe ou que, je sais pas moi, il dit une parole qui me paraît bizarre, je me tais. Si tu penses qu'à la fin du ders, il va t'écrire et te donner la réponse, t'en es peut-être ouais, attends la fin du ders. Mais si tu vois que t'as pas eu de réponse, t'es dans la confusion, va le demander. Tu dis, shir, je comprends pas. Alors dans le Coran, une telle chose, toi tu dis telle chose. Comment on lit entre les deux? Et là, le shir, s'il y a un truc que tu n'as pas compris, il va t'expliquer. Non, ce verset-là, peut-être il est mansour, ou peut-être qu'il est âme, là, il y a un tarsis, il va t'expliquer. Tu vois? Mais demande-lui, reste pas comme ça. Le shir, s'il a dit, une fois j'ai lu sur un individu qui disait que si jamais tu vois l'imam Ahmed, il contredit un verset, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me teste que je suis ignorant. On dit, tu ne vas pas demander pourquoi? Tu restes comme ça, tu es ignorant, je ne demande pas. Non, tu es un ignorant. Mais pourquoi tu lis les paroles de l'imam Ahmed? Pour apprendre. Donc si tu vois une chose de l'imam Ahmed qui te paraît confuse, tu ne comprends pas, tu vois un verset qui est clair et un calme de l'imam Ahmed qui s'y oppose, tu demandes. Tu sais, les gens veulent trop faire les modestes. Non, moi je suis ignorant, je ne rentre pas, je ne demande pas, je reste à ma place. Tu vois? Et l'imam Ahmed, il n'est pas infaillible. Et toi, tu aurais une faïda. Que ce verset-là, bah, peut-être que l'imam Ahmed l'a compris d'une façon que toi, dans l'apparent, tu n'aurais pas compris comme ça. Dis, je me tais, je suis un ignorant. Ça, c'est dans les cas des mourides, comme les soufis avec leurs disciples. Le chien l'a parlé, on ne s'oppose pas, on se tait. On est des ignorants. Ils connaissent, on ne connaît pas. Ça, c'est quand il y a Diddan, ça. Ah, c'est la taklid des mazahib, ça. Tamam, man. Je suis ignorant, je ne demande pas. Allah, dans le Coran, il écoute. Eux-mêmes se servent de ce verset-là pour dire faire du taklid dans le mazhab. Et le jour, en tant que l'imam du mazhab, il dit à quelqu'un qui s'oppose à une preuve claire, tu dis, je me tais, je suis un ignorant. Tu dis, t'es contradictoire, là. Dans le Coran, Allah dit Was'alou al-zikr kuntum la ta'lamoun. Demande. Demande à un alim, tu dis l'imam Ahmed, j'ai une chose de lui telle chose, je voudrais comprendre, comme par exemple dans le shir, dans le kitab de shir l'islam, Ibn Taymiyyah, Ektira Salat al-Mustaqim, shir al-Anfamin, en Talik, il a dit que l'imam Ahmed allait s'asseoir chez les gens de Tassawouf pour adoucir son cœur, écouter les raqa'iq pour adoucir son cœur. Tout le monde était surpris par cette parole-là. Quand l'imam Ahmed va chez les soufis, tout le monde qui aime cette parole-là était surpris. Parce que l'imam Ahmed, on connaît, c'est l'imam Sunna. Soufia, c'est le Moutadira. Donc, Ibn Uzaym, il a été interrogé, il a dit c'est un calme qui est bohatique, qui n'est pas vrai. Et d'autres, ils ont dit que le tassaouf de l'époque, c'était pas le même que maintenant. Non, mais ils avaient du tassaouf dans le fait, dans le zuhd, dans l'ascétisme. Cheikh Aboubli a dit ça, et d'autres aussi, ils l'ont dit. T'avais des gens, des imams, il y a du tasawwuf en eux. Mais c'était des imams dans la religion. C'est pas comme ceux maintenant là, qui dansent, qui tapent du tambour ou qui invoquent autre qu'Allah. C'était pas les mêmes, attention. Donc si tu ne montes pas, comment tu vas savoir? Tu vas rester là avec une chubouhette. Et demain, Moutadia va dire, bah regarde, on peut. Il va dire, moi je vais aller chez les tabliers parce que j'aime bien leurs histoires et tout, ça me rappelle. Il dit, t'as pas le droit, Harry. L'imam Ahmed est chez les soufis. Qu'est-ce que tu vas lui répondre à ce moment-là? Il va te faire taire tout de suite. Pourquoi? Tu dis, je suis ignorant, j'ai pas demandé. Eh ben, le Moutadia va te faire taire. Il va dire, regardez, eux, ils nous parlent que si on va chez les tabliers, Kaza, l'imam Ahmed est chez les soufis, ça va même pas nous répondre. L'imam El Sunna chez eux. Ça, c'est une chouboite, elle est hasi, la jiddan. Ils aiment trop faire les modestes, les gens. Je suis ignorant, je me tais. L'ignorant de se taire à quel moment? De ne pas s'avancer dans ce qu'il ne sait pas. Mais on n'a jamais de pas questionner. Bien au contraire, l'ignorant doit demander. Ça, c'est le djihad qui est mauvais. Tu ne sais pas et tu parles. Dis, tais-toi, je suis un ignorant, je ne sais pas, mais on va demander. Mais tu vois, je suis un ignorant, je me reste à ma place, je ne demande pas. Parce que pour des gens, demander un alim, pour eux, c'est comme si tu mettais en doute sa science. Pas du tout. Les sahaba, ils interrogeaient le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Zuliyadein, comme on a pris l'histoire, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la salat, il avait fait oublier une rakat. Qu'est-ce qu'il a fait, Zuliyadein? Il a dit, Hel, Ruyirat, Aou, Nasit. Est-ce que la salat a été changée, ou est-ce que tu as oublié? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ni je n'ai oublié, et ni la salat n'a été changée. Après, dans le sahaba, Hel, wa kamakwa le Zuliyadein, quand on a un. Qu'est-ce qu'il s'est levé, il a attrapé la rakat. Il nous a appris ce jeu sahou. Zuliyadein a dit, je suis un jeune, je ne demande pas. Il a demandé. Il a demandé. Donc les gens qui te disent, ouais, madhab. Ben regarde, madhab, tu t'opposes à la voix des sahaba qui eux demandaient parce qu'ils ne savaient pas. Ils demandaient à qui? Au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ou à notre sahabi. Ou à kaza. Donc si tu racontes, c'est une charia qadima. Voilà, ça c'est une charia qadima. Le fait, tu ne demandes pas tant que tu ne sais pas, tant que je ne t'aurais pas montré. Mais maintenant, aujourd'hui, quand même, toi, quand tu ne sais pas, et une chose qui me met dans la confusion, tu demandes. Mais par contre, maintenant, des fois, dans un ders, tu es là en plein ders, ton enseignant te parle du mas'ala. Tu te lèves la main tout de suite. Attends la fin. Ça se trouve, dans 5 minutes, il va t'expliquer la chose. Et si à la fin du ders, il ne t'a pas expliqué, tu dis, tu lèves la main, tu es dedans, à tel endroit, telle et telle chose, j'ai pas compris. Il va t'expliquer. Tu vois? Des fois, attends un petit peu, c'est pas mutlaqan. Ce que ça se trouve, il va dire. Ça y est, Inch'Allah, il se vient. Il va dire, patiente, on va en parler, Inch'Allah. T'inquiète pas, la masala, je la connais. Je sais qu'il n'y a pas de problème, je vais la citer. Attends, et si tu vois que la fin du jas n'a rien dit, lève ta main, et là, tu poses la question. D'accord? Pose la question. Ou là, t'as vu une erreur directe, par exemple, je sais pas, moi, il a dit un verset, il s'est trompé, ou un hadith, là, tu reprends. Masala. Mais il y a une chose qu'il a dit, masala, t'as pas compris, ou elle suppose une chose que tu connais, il se vient, chouya. Il va t'expliquer par la suite. Non. أنا توقفت. طيب إنه نبي الله ورسوله لكنه كان يبحث عن المزيد من العلم. qu'il était le prophète d'Allah et son messager. cependant il cherchait le surplus de science. وماذا قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. dit au Seigneur ajoute-moi de la science. ثم قال وللشعراء الكثير من القصائد والأبيات التي تشير إلى فضل العلم وإلى ما في ما في الجهل من ضرر وفساد. Donc les poètes ont fait beaucoup de poésie et de vers de poésie dans lesquels ils indiquent le mérite de la science et aux nuisances de l'ignorance. L'un d'entre eux dit: العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العزة والشرف. qui dit que la science élève une maison sans même qu'elle n'ait de piliers, alors que l'ignorance détruit la maison, même celle qui est à la base la maison de la fierté et de la noblesse. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à la base par la science peut être élevé. Quelqu'un qui à la base est connu pour avoir un haut rang, son ignorance va le rabaisser. ذكر شاعر آخر أن البيوت الخاوية من العلم إن هي إلى قبور. Un autre poète a indiqué que les maisons qui sont vides de science ne sont que des tombes. Là, on a إن هي إلى قبور. ما معنى إن هنا؟ معنى ليس. Ça s'appelle إن نافية. Fais le travail de ليس. Quand tu vois إن après إلا qui vient derrière, c'est le إن de négation. C'est pas la charti, c'est pas le jazm. c'est in nafiya bimana leysa. سنأخذ إن شاء الله في المتممة. قال إذا ما عق موتنهم أناس ولم يبنوا به للعلم نورا فإن ثيابهم أكفان موتى وليس بيوتهم إلا قبورا. Il dit que si jamais les gens n'ont pas été agréants vers leur pays, également ils ne l'ont pas apporté de lumière par la science, c'est-à-dire par l'ignorance, ils n'ont rien apporté au pays. Car leurs vêtements, c'est-à-dire des ignorants, ne sont que des kefens de mort, des linceuls funéraires de mort, et que leurs maisons ne sont que des tombes. On voit allusion aux ignorants. وَيَقُولُ شَاعِرْ ثَالِثِ إِنَّ الْعِلْمَ لَيَاتِي هِيبَ وَلَا بَغْتَةً بَلْ بِمُتَابَعَ وَلِتِّلَعَ وَالصَّبْرَ إِنَّ الْعَالِمَ الْجَاهِلْ لَيَلْتَقِيَانِ. Un autre poète, un troisième poète, dit que la science ne s'obtient pas par l'envie, le simple fait de vouloir, d'accord, mais par le suivi, c'est-à-dire tu vas la chercher la science, et le tiller, ça veut dire le fait de beaucoup lire et d'apprendre, et la patience, et que le alim et le jahil ne se rencontrent pas, c'est-à-dire ce n'est pas le même niveau. Ta'allam falis al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kama huwa jahil. Il dit apprends, car l'homme ne naît pas savant. D'accord, quand tu nais, tu n'es pas un savant, et le frère de la science n'est pas comme l'ignorant. Comme il dit Allah, il dit « Wallahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a » que Allah vous a sorti du ventre de vos mères alors que vous ne connaissez rien. Tu n'es pas un savant. « Wa lil imam shafi'i rahimahullahu ta'ala laftatun banna'atun » que l'imam shafi'i, il a eu une parole judicieuse, on va dire. « Jalidatun bienna nadu'aha amam a'yunina » on a ta'ammalaha, c'est-à-dire une parole, un regard furtif, comme on avait dit, qui mérite que l'on expose ici et que l'on médite. Fawwa yaskuru ala lisan shaykhihi waqi' anna l'insan al-muta'allim yajibu wa yabta'id an adh-dhunub hatta yuwaffiqahu Allah fi mas'ahu fi talabihi lil'ilm. Il dit que il a cité une chose qu'il a appris de la langue de son cher waqi' que le muta'allim, c'est-à-dire celui qui apprend, l'étudiant, doit s'éloigner obligatoirement des péchés afin que Allah lui accorde le tawfiq pour pouvoir profiter de son talab en charge de la science. Voilà, sahih, comme a dit Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhallazina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, wa yaghfir lakum, wallahu dhul azim. Pour vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement et pardonnera vos péchés. Donc les causes des péchés sont les causes qui t'amènent à ne pas comprendre les choses. Qala, là c'est la bête de Shafi'i. Shakautu ila waqi'in su' hifzi wa sharada wa arshadani ila tarki al-ma'asi. Fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil-'asi. Je me suis plaint à waqi' de ma mauvaise mémorisation. Il m'a indiqué de délaisser les péchés et m'informer que la science est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas accordée à celui qui désobéit. Yani amdan, bien évidemment, parce que tout le monde est péché, tout le monde en fait. Mais il parle vraiment là des gens qui sont bénis là-dedans, tu vois. Ils font pas de tawbah. Wa kadha nara anna Allah rafa al-ulama darajatin liannahum tamayyizu bil-fadila wal-hikma wal-hilm wal-adab baynama dha'a al-juhla fi khisam al-haya. Donc on voit que Allah justement a élevé les ulama en degré, car ils sont distingués par le mérite, par la sagesse, par la tolérance, par la science et par le comportement, alors que les juhala eux sont perdus dans quoi? Dans la vie. C'est-à-dire ils se perdent à chercher le bien de ce bas monde. وَعَاشُوا فِيمَا كَالْحَشَائِشْ أَدَرَّ أَلَّتِي إِذَا نَمَتْ أَفْسَدَتْ مَا حَوْلَهَا مِنْ زَرْعٍ وَنَبَاتٍ. Et ils ont vécu, ils vivent, c'est-à-dire les ignorants, comme les mauvaises herbes qui poussent ou ils namat, je pense que ça vient de namé à namou, lorsqu'elles poussent ou se propagent ou adorment, elles nuisent tout ce qui est autour d'elles comme plantation et comme plante. Les mauvaises herbes, elles se propagent partout. Nam. Allez, on va prendre quelques cuillères à l'eau parce qu'on a un peu tardé. Ma i'rab al-ilmu yartabitu bi nur irtibatan wa thiqa. Irtibatan wa thiqan. Naam, wa thiqan. Thiqan mahtouf. Na'at. Na'at. Ish mahtouf, y'a pas de harf atf là. C'est pas de mot. Là, wa thiqan, wa c'est partie de la kalima. La la. C'est وثيقا. طيب ان العالم يتميز كثيرا عن الجاهل فهو خير منه منزله. ما يعرف منزله؟ تميز. احسنت. On a dit اسم منصوب qui vient après اسم اسم تفضيل سان تميز. وافضل منه مكانه. ما هو؟ مكانه تميز. تميز. طيب هنا هنا أن هناك طرقا متنوعة لنيل العلم. ما يعرب طرقا؟ اسم إن اسم اسم, اسم أن نعم ومتنوعة. نعم. طيب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما يعرب يريد ويفقه؟ les deux verbes. يريد c'est نعم. la faire مضارع مرفوع. لا. Faire mudari, c'est ça, comment ça se fait? Faire mudari. Ah, bimen. Faire mudari, bimen. Bimen. Donc, jozmi, al-sukun al-dahir al-akhirhi. Allahu fa'il. Hada fir short. De man. لفظ جلالة نعم فاعل خيرا ما يرب خيرا هذا سهل سهل لا تستصعب الأمر فول به ما فول به يفقهه في الدين ما يرب يفقه في المضارع il a plutôt j'avais besoin enfin faire mon appel faire mon mudari comment majzoum ايوه كما قلت j'avais besoin j'avais besoin احسنت كما في قصة نبي الى موسى ما يعرف موسى في قصة نبي الى موسى بدل احسنت بدل donc il est il est مجرور علامات جزميه الفتحه جاز جره جره الفتحه الكسره المقدره منع من ظهورها التعب tu m'avais impressionné et après tu m'as pas déçu mais tu as dit ce que je m'attendais à ce que tu dis quand tu l'as dit au début j'ai fait Allahu Akbar parce que je savais que tu allais tomber dans le piège et quand tu as dit l'erreur que tu as cru qui était une erreur, toi, tu m'as impressionné. Je dis, ah non, il a fait attention. Et en fait, non. C'était juste Sabah Kalisen. Tu l'as dit sans faire exprès. Et après, tu as voulu rattraper. Quand j'ai dit Fatha. Ah, y'a quoi? Ah, je me suis trompé. Ben non, t'avais raison. Oui, je mais moi, dans mon... Pourquoi Fatha? Fatha, parce que. Moussa. Tu sais pas? ممنوع الصرف على مية وعجمة أيوة ممنوع الصرف طيب خلف يقول للشعراء الكثير من القصائد القصائد بكو ينكسر على قصير على وزن فاعل منتهي الجموع ماذا جت الكسرة هنا القصائد فوق أيوة خلف Al-Qasa'idi. Alam, c'est la même chose du jour. Ça ? Alam, c'est ma faïl. On me dit c'est quoi ? Mamnoun est sauf. On a une île wahida. Pourquoi la yin kasra ? Ah, les petits sages. Elle est folle. Aïwa, bi el. La khala ali el. Arsenta. Là, c'est un kifouna l'yom. On va qui est d'arsen, inshallah, on va battre comme un kitab, alhamdulillah. Amen. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.